Je voudrais revenir donc à ce colloque et à ses présupposés, à ses problématiques également scientifiques, en débutant tout d'abord une petite mise au point peut-être de définition. Il faut qu'on s'entende sur les termes qui bien sûr pourront évoluer au cours des débats. Le terme de clergé de cour, singulier au pluriel, je pense doit être explicité et remis dans son contexte particulier qui est celui de l'époque moderne. Nous pouvons, je crois, dans un premier temps partir de cette définition simple, générale, qui tend à considérer le clergé de cour comme l'ensemble des ecclésiastiques qui, sur un espace donné, établissent des liens étroits avec la cour, c'est-à-dire finalement tous ceux qui entrent dans cet espace aulique pour y recevoir, y remplir une charge, une mission, le plus souvent d'ailleurs validée par une série de liens, un office, une commission, une dignité. Tout cela s'exerçant soit dans le cadre de la chapelle, avec un C majuscule, les chapelles royales ou princières, les grands aumôniers, les confesseurs en pays catholique, les prédicateurs en pays catholique, mais plus généralement en pays chrétien, soit dans celui du conseil, donc deuxième volet, et de ses prolongements administratifs, la diplomatie, l'armée, le renseignement, la circulation de l'information, etc. Comme je l'ai dit donc, c'est une définition très large, mais qui a l'avantage de permettre d'engager une perspective comparative dans la mesure où la réflexion porte sur un clergé qui est un clergé d'une nature particulière, indépendamment finalement, au moins dans sa définition, du système de croyance, dont souvent d'ailleurs il s'estime être le garant, le porteur d'une orthodoxie. Il faut nuancer de manière parfois plurielle, et en tous les cas, peut-être de façon moins homogène qu'il n'y paraît au premier abord. Ce qui est donc par conséquent en jeu ici, c'est de savoir en quoi l'espace curial, dont ce clergé donc dépend ou qu'il fréquente assidûment, en quoi donc cet espace curial marque sa cléricature, en quoi donc ce clergé est-il de cour. Ce qui est intéressant ici, c'est le « de », en quoi est-il qualifié donc par la cour. Je tiens à ce niveau à faire un certain nombre de remarques préliminaires pour peut-être amorcer la réflexion. Première remarque, d'abord, l'expression même de clergé de cour dans l'espace français, et ça sera peut-être un débat que nous pourrons avoir avec des informations d'autres espaces, date du XVIIIe siècle, fin XVIIe, XVIIIe siècle. Il qualifie à l'époque exclusivement les membres de la chapelle et non pas ceux du conseil. Ce qui peut apparaître assez compréhensible, puisqu'il n'y a plus, ou du moins, de moins en moins, d'ecclésiastiques qui entrent dans les conseils à cette époque, et que les quelques grandes figures de cardinaux ministres que nous avons, que l'on trouve, ne doivent pas cacher une baisse quantitative, même si cette baisse quantitative n'entraîne pas, à contrario, de nécessaires mises à l'écart. Il s'agit donc ici de reprendre et d'objectiver une notion qui est définie, utilisée par les contemporains. Il me semble d'ailleurs que, pour permettre d'intégrer des réalités différentes que nous avons ici dans notre programme, en Europe, et donc d'engager des comparaisons à la fois synchroniques et diachroniques, la Cour doit être considérée, peut-être d'abord, dans un sens pratique et fonctionnel, à la fois comme un espace domestique, mais aussi comme un espace politique. Il est d'usage de dire à l'époque, là où est le roi, là est sa cour, et donc de reprendre cette idée que la cour est définie par, d'un point de vue d'histoire sociopolitique, par l'ensemble des serviteurs du roi qui la composent. Cette prise en compte de ces deux facettes est d'autant plus importante que là où le politique peut passer par le canal du domestique, et inversement, même si ce rapport évolue au cours du temps et dans le sens de la disjonction, le mouvement n'étant, je tiens à le rappeler quand même, ni linéaire, ni totalement uniforme. Mais on ne peut pas non plus réduire la cour à un seul espace de fonction, de fonctionnement. C'est aussi un espace peut-être d'acculturation, ou de tentative d'acculturation, plus ou moins réussie d'ailleurs en fonction des temps et des lieux. Un sociotope, pour élargir la problématique, qui, depuis les thèses civilisationnistes de Norbert Elias, fait l'objet de nombreux débats, de discussions, d'interrogations par l'anthropologie, la sociologie, de remises en cause aussi par l'histoire sociale, culturelle et politique. Je pense, parce que ça, des références qui viennent assez rapidement à l'esprit, aux thèses de Daniel Gordon ou d'Hans Peter Duert sur la nudité et la pudeur. Une fois ces balises posées, en étant bien tout à fait conscient qu'elles peuvent être relativement mouvantes et donc tout à fait franchissables, il me semble donc que la notion de clergé de cour a l'avantage d'être globalisante, systémique. Elle ne définit pas ou plus les ecclésiastiques uniquement par leur relation au prince et au roi, et donc par tout ce qui va avec, à savoir le jeu de la faveur, du don et du contre-don. Elle ne les définit pas non plus uniquement par un type d'activité, la chapelle, le conseil, la diplomatie, mais essentiellement par la nature éventuellement polymorphique du service et aussi par le système sociopolitique dans lequel ce service s'inscrit. Cela m'amène à mon deuxième temps, très rapidement, de la contextualisation de notre objet. Il nous appartient en effet, à travers cette rencontre et ce colloque international, de contextualiser la notion et de rappeler peut-être que de ce point de vue, la fin du Moyen-Âge et les débuts de l'époque moderne, la Renaissance au sens où nous l'entendons d'un point de vue académique, mais qui n'est pas celle que nous étudions, apportent leur lot de modifications et de mutations qui changent un peu la donne par rapport à la période précédente. On passe des entourages princiers, qu'a très bien étudié Alain, à des espaces curiaux, plus développés, mieux structurés, aussi bien dans leur versant domestique que dans leur versant politique, qui ont d'ailleurs tendance, je l'ai dit, à se disjoindre d'un point de vue fonctionnel. L'époque connaît également la fixation plus ou moins effective et durable de ces cours dans des capitales politiques ou à l'ombre des capitales politiques, si je reprends l'exemple versaillais, mais en lien étroit avec ces capitales. Il faut se demander pourquoi et de quelle manière les clergés de cour participent à cette évolution, comment eux-mêmes ont tendance à s'institutionnaliser et cherchent aussi, c'est évident, à conquérir ces espaces curiaux en pleine mutation, au moment même, et c'est le deuxième point de contextualisation, au moment même où l'Europe est traversée par des crises confessionnelles schismatiques sans précédent dans l'histoire, qui dessinent en son sein, au sein de l'Europe, des États progressivement et globalement confessionnalisés et régulièrement aussi en prise avec des conflits confessionnels, même lorsqu'ils tentent d'ailleurs de les dépasser ou de les dominer. Comment, en d'autres termes, les Églises entendent-elles s'insérer dans cette nouvelle économie du service curial et dans quelle mesure on les y installe et on cherche à leur octroyer une place ? D'où le sous-titre de notre colloque, services religieux, services politiques dans les systèmes curiaux qui y renvoient directement. Cela m'amène dans un troisième temps de cette introduction à une problématisation ou à des problématisations possibles du sujet. En arrière-plan, nous avons bien ici toute une série d'interrogations conceptuelles et problématiques qui se dessinent sur le rapport entre l'Église et l'État en Europe, entre les princes et la papauté, ou, pour ne pas se limiter à la seule perspective institutionnelle et diplomatique, entre le religieux et le politique au sens large, dans toutes leurs dimensions respectives, théologiques, spirituelles, liturgiques, ecclésiologiques pour le religieux, et j'en passe, dimensions pratiques, théoriques, décisionnelles, gouvernementales, administratives et aussi symboliques pour le politique. Il s'agit donc ici de rouvrir un dossier historiographique, ou plutôt une pluralité de dossiers historiographiques entrelacés, portant tout autant sur l'État, l'Église, la papauté et la Cour. En partant donc d'un nouvel angle d'attaque, d'un nouveau champ d'études constitué justement par ces groupes d'ecclésiastiques situés non seulement à l'avant-poste du service religieux et du service politique, entre les Églises donc et les États, et par conséquent au cœur même de leur espace que je qualifierais d'espace d'inclusion entre le religieux et le politique. Mais aussi donc des groupes qui, de par leur statut, de par leur identité, de par leur fonction et leur position, sont situés donc à l'intersection, à l'interface, comme je le disais, de ces différentes problématiques étatiques, ecclésiales et curiales. C'est un groupe ici de médiation que nous avons à étudier au carrefour de ces différents champs. Sur le plan théorique, je voudrais rappeler que cette conférence peut se proposer d'évaluer, pour la période des 15e et 18e siècles, ou de questionner en tout cas la pertinence de certaines grilles d'interprétation et de concepts qui ont été élaborés notamment par la très riche historiographie de l'État moderne. Il y a ici deux grandes notions que nous aurons certainement, dont nous aurons certainement à débattre. Le thème, la thèse, parfois des thèses un peu linéaires d'ailleurs, et peut-être que nous nuancerons un peu ces propos, la thèse de la sécularisation, ou autonomisation des institutions séculières par rapport à la religion, qui insère l'ancien régime et qui englobe aussi l'époque médiévale dans un processus de longue durée, un peu linéaire, je l'ai dit, qui émerge au cours de l'époque médiévale et se poursuit, s'achève avec la laïcisation des sociétés contemporaines. Il y a un deuxième paradigme très important, qui d'ailleurs remet en cause celui-ci, celui de la sécularisation, qui est celui, en partie, de la confessionnalisation, qui fait quant à lui reposer dans une contextualisation un peu plus précise et surtout dans une diachronie renouvelée, qui fait quant à lui reposer donc la phase décisive de formation des États modernes sur les guerres de religion des XVIe et XVIIe siècles, avec donc la mise en place, comme je le disais tout à l'heure, de religions officielles par les pouvoirs civils qui s'appuient sur des églises instituées pour unifier leur territoire et disciplinariser, voilà une autre thématique, un autre concept très important, le disciplinamento à l'italienne, ou le disciplinement, comme on pourrait traduire, donc à disciplinariser les sociétés avant de s'en détacher. On le sait depuis plusieurs années, quelques années, ces dernières interprétations ont fait l'objet de très nombreux débats stimulants, qu'il s'agit donc ici, comme je le disais, de rouvrir et de discuter à partir d'un nouvel objet d'étude, à savoir les clergés de cour, quitte d'ailleurs à valider ou invalider la pertinence de la notion lorsqu'on l'élargit à d'autres systèmes et ères confessionnelles. J'en arriverai, et ça sera mon dernier point, à une historiographie. Nous ne partons pas de rien, bien entendu, et d'une mise au point des travaux très rapidement, mais Alain l'a déjà rappelé et déjà dit, et le premier colloque aussi, des travaux sur la question. Ce que l'on peut dire d'emblée, c'est que si l'on prend le sujet clergé de cour, dans son acception et dans cet entrelacement problématique, on peut dire que le champ est relativement vierge dans la mesure où, pour l'époque moderne, les études historiques portant sur le personnel de cour se sont jusqu'à présent beaucoup intéressées aux laïcs, aux nobles, aux officiers, et un peu plus rarement, dans cette optique curiale, un peu plus rarement à ce groupe de l'espace aulique qui représente ce clergé, l'un des plus solides appuis des pouvoirs princiers dans de nombreux États. Cela tient, à mon avis, pour l'essentiel, à l'idée, en partie erronée, que la cléricature aulique, la cléricature curiale, n'est qu'une dignité ou une charge revêtue par les membres de la noblesse pour accroître leurs revenus et leur pouvoir, mais pas pour servir leur Église. Et là, je crois qu'il y a un biais d'enquête, ou du moins un oubli fort, qui ne nous permet pas d'évaluer, d'apprécier l'objet dans sa totalité. Ce point de vue exclut en effet d'emblée du champ de la réflexion sociopolitique plusieurs aspects. Premièrement, les motivations de ces ecclésiastiques de cour. Deuxièmement, les stratégies. Et surtout, troisièmement, les croyances religieuses et les imaginaires ou les visions que ces croyances portent. Il faut bien reconnaître, cependant, et aussi, que si la perspective peut apparaître relativement nouvelle, nous ne partons pas non plus d'une terra incognita, puisque les ecclésiastiques de l'espace curial ont fait l'objet d'études pour l'époque moderne, comme d'ailleurs, comme l'a rappelé Alain, pour l'époque médiévale. On peut, pour synthétiser, distinguer peut-être trois angles d'attaque, trois types, pour agrémenter quelques exemples, mais Alain en a déjà cité des très importants. On s'est intéressé notamment, et je vais dans le prolongement de ce qu'il a dit, à quelques grandes figures, notamment celle des cardinaux ministres, le cardinal Wolsey, il l'a rappelé, avec des études par Peter Gwin notamment, ou Stephen Gunn et Philip Lindley, qui a fait l'objet aussi d'une intervention, d'une communication par Jessica Charquet en mars 2011, donc à l'île Tournai. Une autre figure qui a été complètement relue, revisité et relu, la figure centrale pour le colloque, puisqu'elle tombe en plein milieu pratiquement de la période aussi, Richelieu, qui a suscité de nombreuses études, remis finalement son action politique et son ascension politique en rapport avec son itinéraire, sa stratégie ecclésiale, sa théologie, mais également son ecclésiologie et in fine donc sa religion. Immédiatement viennent à l'esprit des noms des historiens très connus, Georges Wallenberg, qui avait le premier évoqué cette idée d'un triptyque cardinalis autour de servir Dieu, le roi et la raison, Joseph Berging, que j'ai salué tout à l'heure et que je remercie d'être ici présent, Françoise Hildesheimer, ou encore le regretté Père Blett dans son étude, la dernière étude donc de 2007 sur Richelieu et l'Église. Nous pourrions ainsi citer de très nombreuses figures, comme le cardinal Antoine Pernot de Granvelle ou le cardinal-infant Ferdinand d'Autriche, ou encore, pour prendre la partie franco-italienne, Mazarin, ou plus française, du XVIIIe siècle, Fleury, Dubois, Bernice, et j'en passe. Certaines de ces figures sont connues, d'autres beaucoup moins dans la mesure où elles restent encore recouvertes, me semble-t-il, par le voile d'une historiographie légendaire, que cela soit d'ailleurs dans le sens de la légende dorée ou de la légende noire. Les historiens se sont également intéressés à des groupes d'ecclésiastiques de cour marqués par des fonctions, soit des fonctions politiques, soit des fonctions religieuses. Je pense bien évidemment aux travaux de Cédric Michon sur les prélats d'État sous François Ier et Henri VIII, au récent séminaire organisé par Lucien Belli et Géraud Poumarette sur Église et diplomatie. La fonction religieuse fait l'objet de renouvellements très récents, avec les études sur les chapelles royales en Espagne, en Italie, en France. Je pense là aussi aux travaux d'Alexandre Maral, qui ont été cités déjà, et de certains travaux engagés dans le cadre de l'ANR Musée Frême, coordonné par Bernard Donquenier, ou encore de ceux dirigés par David Fiala à Lunéville sur les chapelles princières. Ou encore, au sein même des chapelles, sur d'autres groupes plus particuliers. Il y a des travaux que l'on connaît tous sur les confesseurs, notamment par Joseph Berging à nouveau, ou Nicole Reinhardt qui nous fera un exposé demain sur les confesseurs. Des études également très récentes sur les prédicateurs de cours qui ont par exemple été étudiées lors d'un récent colloque de 2010 qui avait été justement organisé par Louise Schoenschute sur Herrscherkritik, pardon pour mon accent déplorable en allemand, und Politik Beratung, die Rolle der Hofprediger an europäischen Hofen des 16. bis 18. Jahrhundert. Donc sur cette question de la critique des princes et du conseil politique qu'apportent ces prédicateurs dans l'espace catholique, mais également dans l'espace protestant et peut-être même espace orthodoxe. On s'est également intéressé au clergé de cour à travers la réflexion plus large, englobant la thématique aussi des élites ecclésiales. C'est le cas, je ne prendrai que cet exemple-là assez récent, de la Revista Universitaria Magina, qui a été coordonnée par Maria Amparo López Arandia, qui est également spécialiste des confesseurs en Espagne, sur les élites à l'époque moderne, entre el cielo y la tierra, las élites ecclesiásticas en la Europa moderna. Je pourrais ainsi, là encore, multiplier les exemples et faire entrer pratiquement la plupart de vos travaux, des uns et des autres ici présents, dans l'un ou l'autre de ces types, parfois même dans plusieurs. Ce qui montre que l'ambition du colloque de réunir pendant ces 2 jours et demi des spécialistes reconnus de la question est, de ce point de vue, totalement atteint. Je ne voudrais pas m'exclure tout à fait de cette production, ni même me dédouaner de la responsabilité de ce terme de clergé de cour, et ce faisant de la critique éventuelle qu'on pourrait lui adresser, puisque, comme certains le savent ici, j'ai soutenu il y a maintenant 2 ans en Sorbonne une thèse d'habilitation sur ce thème à partir du cas français à l'époque moderne, travail qui va bientôt paraître aux éditions Chamballon en avril prochain. C'est donc aussi quelque part à une mise à l'épreuve de travaux personnels par des pairs, par des maîtres, par des collègues et amis que je m'adonne ici avec impatience, non sans une forme aussi d'appétence, autour de ces 5 demi-journées, et je vous en remercie encore. 5 demi-journées et 5 volets finalement pour conclure et ouvrir maintenant les exposés. Un premier volet sur Rome et le clergé de cour, entendu dans la double relation à la fois Rome et son propre clergé de cour, mais aussi Rome et les clergés de cour des autres pays, des autres États ou des autres cours. Un second volet qui portera plus spécifiquement sur le Conseil politique en tentant d'interroger et de voir si, ça ne sera pas le volet exclusif mais ou la réflexion exclusive, mais de voir dans quelle mesure ce Conseil politique peut être aussi à certains moments Conseil religieux ou inversement comment le Conseil religieux peut être à certains moments, dans les marges, Conseil politique. Troisième volet sur les chapelles princières. Là où nous aurons une multitude d'interventions qui permettront le croisement et la comparaison. Et puis, donc, un détachement, un décrochage par rapport à une thématique qui a fait l'objet de parfois de nombreux fantasmes, qui malheureusement est soumise à un certain nombre de contraintes, et notamment de contraintes archivistiques, à savoir la thématique des confesseurs princiers, qui pour certains espaces peut apparaître comme une aporie au vu du manque de sources, mais nous essaierons justement de glaner ici ou là, grâce à plusieurs interventions, des informations pour tenter de dépasser un peu les clichés, même si, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des travaux de Joseph Berging, Nicole Reinhardt, et je devrais y associer les travaux d'Isabelle Poutrin aussi sur l'Espagne, même si eh bien, nous avons des éléments de réflexion forts qui permettent de cette interrogation. Puis, le lendemain, donc samedi, une dernière séance, quelque peu réaménagée au vu des contraintes et des absences, donc qui portera sur les clergés de cour en monde chrétien et musulman pour ouvrir donc cette thématique et dans une perspective, cette fois, comparative et interconfessionnelle. Voilà, donc de riches travaux qui nous attendent. Je vous remercie encore à tous de votre présence et de votre participation. Et donc, nous ouvrons ce colloque sur, maintenant, Rome et le clergé de cour. Merci à vous.